لله والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى صاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont déposé le fardeau de la guerre et que les musulmans et les mécréants ne se méfient plus les uns des autres et qu'il y a une sécurité entre eux, là la porte de la propagation de l'islam elle est ouverte. Donc cette trêve, il a facilité le dialogue, il a facilité la présentation de l'islam pur et simple aux gens. Il n'y a pas des gens qui l'entachent. Il n'y a pas Abu Lahab, il dit, nous sommes les plus connaisseurs de cet homme-là, il ne faut pas l'écouter. Il veut que vous désavouiez de vos idoles, c'est un sorcier. Quand il n'y avait pas des gens comme ça, ceux qui ont dit à Tufayl ibn Amr, le notable de Daous, quand il a voulu faire le pèlerinage, ils ont dit, non, attention, il faut se méfier de cette personne, il ne faut pas dialoguer avec lui, parce qu'il va t'ensorceler, c'est un sorcier. Jusqu'au point où il a mis le coton dans ses oreilles. Quand il n'y a pas ces gens-là, il restera toujours des gens comme ça. Il restera toujours. Les méthodes, elles changent. Les méthodes, elles changent. Les méthodes de barrer le chemin d'Allah, elles changent. Mais c'est les mêmes gens. Il y a toujours Nadr ibn al-Harith, il y a toujours des journalistes qui écrivent dans les journaux, dans les chaînes, dans la télé, dans la radio et tout, qui entachent l'islam. Il y a toujours des innovateurs qui entachent l'islam, ce qui fait que l'islam, quand il le présente comme ça, les gens, ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Donc maintenant, quand il y avait cette trêve, le professeur sallam, ça a été facile pour le professeur sallam de présenter l'islam, et c'est pour ça que 10 000 autres gens ont rejoint, ont accepté l'islam et l'ont embrassé. Donc, comme j'ai dit, Al-Hudaybiyah, elle s'est réalisée ce qui ne s'est pas réalisé durant 19 ans. Durant 19 ans. La diplomatie du professeur sallam, sa sagesse, pourquoi il a accepté cet accord? Les compagnons ne l'ont pas accepté, mais pourquoi il l'a accepté? Voilà le résultat. Et subhanallah, Allah, il révéla ça avant la prise de la Mecque. L'accord est plus conclu. Durant le trajet, Allah, il révèle. Inna fatahna laka fathan mubina. Direct, ça y est, c'est une victoire maintenant. Subhanallah. Et aussi parce qu'il a mis à l'épreuve les compagnons, malgré leur réticence, ils ont dit, nous obéissons au professeur sallam. Et quand ils l'ont obéi, quand ils ont été mis à cette épreuve et qu'ils l'ont réussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna fatahna laka fathan mubin ». Nous t'avons accordé une victoire sûre. De même, le prophète sallam avec cet accord, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a écarté Quraysh, il s'est attaqué à Khaybar, l'un des derniers fiefs des juifs. On sait que s'il y avait Quraysh, sans le pacte, les Quraysh ils vont aider Khaybar, comme ils ont aidé, comme ils ont soutenu Bani Nadir, comme ils ont soutenu Bani Qurayza dans le Ghazwat al-Ahzab. Donc il a écarté. Parce que Quraysh, il représente le pouvoir politique et en même temps religieux. C'est elle la gardienne des sanctuaires. Comme quelqu'un, il va nous rivaliser, il va dire que notre façon de vivre, elle n'est pas bonne, nos idoles, ce n'est pas une bonne religion, alors que nous, c'est nous qui représentons la religion de la péninsule. D'accord? Puisqu'elle a ce pouvoir-là, il ne va pas laisser le professeur sallam tranquille. Le professeur sallam, avec cet accord, il l'a déjà cassé, quand il s'est attaqué au caravane. Quand il les a mis en déroute dans la bataille de l'Ahzab, dans la bataille de Badr, il les a cassés pour qu'ils mettent un certain recul. Et après, il a fait la trêve. Donc, comment dites-vous, l'éminence du prophète, comment il est... Et là, on va parler de l'issue, parce qu'il a dit à Abu Jandal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te trouver une issue heureuse. Abu Jandal, qui a été remis au mécréant de Quraysh. C'est que Abu Basir, c'est un homme de Bani Taqif, à Taif, proche de la Mecque. Mais il vivait, sa famille, il vivait à la Mecque. La famille de Abu Basir. Il est originaire de Taif. Bon, Bani Taqif, il habite à Taif. Et ce sont des confédérés de Beni Zohra. Beni Zohra, ils font partie de Quraysh. Cette famille, il vit dans, à la Mecque. Cet homme-là, Abu Basir, radiallahu anhu, il a embrassé l'islam. Mais il fut emprisonné, c'est-à-dire ils l'ont emprisonné pour qu'il ne quitte pas la Mecque. Et lui, avec son ingéniosité, il a réussi à s'échapper, de la Mecque. Et il est allé à Médine. Il est allé à Médine et il allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au Mubayyid Allah, j'ai embrassé l'islam, je suis venu vers toi en tant que muhajir, en tant qu'immigrant. Et il fut bientôt, disons, rejoint par deux émissaires, envoyés par Quraysh, par l'Akhnas ibn Shariq, qui est de la famille de Taqif, de Abu Basir, et Al-Azhar de Bani Zuhra, qui sont des Quraishites. Les deux émissaires, ils viennent voir le prophète sallam et on dit envoyé d'Allah l'accord. Conformément à l'accord, tu nous rends Abu Basir. Et le prophète sallam, il le rendit. Il a dit, je ne peux pas t'accepter, on a conclu un accord. Et là, il rendit Abu Basir à ses deux émissaires. Les deux émissaires, ils avaient une lettre qui a été envoyée par les Quraysh. Et Abu Basir, il s'écria, il a dit, comment tu vas me renvoyer, comment tu me renvoies, alors que je suis venu en tant que musulman. Le prophète sallam a dit à Abu Basir, là, les mêmes propos qu'il a tenu, qu'il a dit à qui? À Abu Jandl. Il a dit, Abu Basir, nous avons conclu avec ces gens ce que tu sais, il ne nous sciait pas dans notre religion la tromperie. Allah te pourvoira, ainsi que les opprimés, les nouveaux convertis, une issue heureuse. Retourne vers ton peuple. Et Abu Basir, il s'est écrié, il a dit, comment a dit, mais il a été, le prophète sallam ne l'accepta pas. Le prophète sallam a dit, patiente et compte sur la récompense d'Allah. Et donc, il fut emmené par les deux émissaires et à Zul-Huleyfa, c'est juste à quelques kilomètres de Médine. C'est le Miqat des gens de Médine, il n'est pas loin de Médine. Les deux émissaires, ils ont mis pied à terre pour se reposer et manger des dattes. Abu Basir est avec eux. Et puis Abu Basir a réussi à prendre l'épée de l'un d'eux et il le tua. Il tua l'un des deux émissaires et il poursuivit l'autre. L'autre s'est enfui. Et il courait. Où est-ce qu'il peut aller? Médine. C'est la plus proche de Zul-Huleyfa. Il est rentré à Médine. Les compagnons qui l'ont vu, ils ont dit, il courait, il traînait avec lui un tas de poussière. Et Abu Basir, avec l'épée, il courait derrière lui. Et la personne, il est rentré directement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il a dit, « Inna hadha ra'a zu'ran ». Celui-là, il a vu quelque chose de terrifiant. Et puis, Abu Basir, il se présenta derrière lui avec l'épée. Et l'autre, il criait, « Oh Mohamed, il a tué mon compagnon, votre compagnon a tué mon compagnon, et il va sûrement me tuer. » Et Abu Basir, il a dit, « Envoyé d'Allah, ça y est, tu as conclu, tu m'as livré à eux. Tu ne me renverras plus à eux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé à Médine, ça veut dire il ne lui a pas donné le droit de rester à Médine parce que là il va violer le pacte, mais il l'a laissé libre parce qu'il l'a livré aux deux émissaires et lui il s'est débrouillé. Maintenant il n'appartient pas à le rendre une deuxième fois. Et quand Abu Basir il a rebroussé chemin, le prophète sallam il a dit, Waila umme, mis'ara harb, law kana ma'a ahad. Il a dit, malheur à lui, ou malheur à celle qui l'a enfanté. Il est capable de déchaîner une guerre s'il avait d'autres compagnons. Celui qui lit cette phrase, il croit que le prophète sallam il était contre ce qui est la réaction de Abu Basir. Mais si on se. Ceux qui ont fait tafsir de cette phrase, ils ont dit que le prophète sallam a dit à Abu Basir, c'est comme s'il lui disait, continue ton travail. Continue. Parce qu'il a dit, il est capable de déclencher une guerre s'il avait d'autres compagnons. Ça veut dire qu'il peut être rejoint par les nouveaux convertis, il peut être rejoint par les opprimés de la Mecque. Donc il a dit, continue. C'est sous forme subtile, lui dit, continue ton travail. Là, l'accord ne s'applique pas sur toi. Allez, la terre d'Allah, il est vaste. Débrouille-toi. Et il a cette parole du prophète sallam, il a le Abu Basir, il l'a capté. Et directement, il est parti vers où? Vers Al-Ais. On a parlé de Al-Ais, il se trouve au nord-ouest. Al-Ais, c'est un endroit plein de cavernes et plein d'arbres stratégiques. Vraiment, et est allé directement vers cet endroit. Et il a mis sa caserne dedans. Il s'est installé à cet endroit. Et le prophète, bon, comme j'ai dit, il a tenu son engagement. Les Quraysh, ils envoyèrent au prophète, Abu Basir, pour le rendre. Je vous ai rendu. Je vous l'ai rendu. Je vous ai rendu à Abu Basir. Maintenant, moi, je me dégage de toute responsabilité. C'est lui, il s'est débrouillé. Débrouillez-vous avec lui. Abu Basir, il a installé son camp à Al-Ais. Et l'information, elle parvint à tous les nouveaux convertis. Maintenant, dès que quelqu'un se convertisse, il ne va pas voir le prophète sallam, parce que s'il va à Médine, il va être tenu par le pacte, le prophète sallam va le renvoyer. Il va directement à Al-Ais. 70 hommes ont été regroupés à cet endroit. Abu Jundul, il s'est échappé de la Mecque directement à Al-Ais. Lui aussi, il est parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté que Abu Jundul soit leur chef, etc. Ils dirigeaient la prière, ils leur enseignaient les prescriptions de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet endroit? Ils commençaient à barrer le chemin des caravanes de Quraysh. Quraysh, il a fait cette trêve, pourquoi? Pour protéger ses caravanes. Pour protéger ses caravanes, parce que la guerre, il l'a rongée, la famine a sévi à la Mecque, donc il a accepté cette trêve pour protéger ses caravanes. Mais il ne s'est pas réjoui d'avoir retrouvé la sécurité que peu de temps. Et la bande s'est agrandie, 300 hommes. 300 hommes à Al-Ais. Et c'est devenu un centre islamique, si vous voulez, une autre terre de l'islam. À leur tête, Abu Basir. Après avoir subi la perte de beaucoup d'hommes, de nombreuses vies humaines et d'une grande quantité de marchandises, les Quraysh finirent par adresser une lettre au prophète sallam. Ils ont dit le traité entre nous. Ils ont voulu. Le prophète sallam a dit je respecte toujours le traité. Et ils ont dit à Abu Basir et ses compagnons. Abu Basir et ses compagnons ne sont pas à Médine. Moi, je respecte toujours le pacte. Ils ont dit, si on va les combattre, tu vas intervenir? Ils ont dit, je n'interviens pas. Débrouillez-vous avec eux. Et ils ont envoyé une armée à Al-Ais. Les Quraysh, ils attendaient que Abu Basir, avec son armée, sorte. Mais Abu Basir n'est pas sorti. Là, c'est une autre stratégie qu'il doit utiliser, parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, il doit utiliser la guerre des bandes ou une guerre spéciale. Harb al-Aisabat, si vous voulez, on dit en arabe. Ils sont tous cassés avec leurs armes derrière les arbres, certains dans des cavernes. Il a dit, venez, si vous pouvez rentrer. Il a mis les pièges et tout ce qu'il faut. Il connaît très bien le terrain. Les Quraysh, quand ils ont vu ça, ils ont essayé de faire une incursion. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fait demi-tour. La caravane est venue, il lui a barré le chemin. Puis après, il commence à barrer les chemins. Non pas des caravanes de commerce, mais les caravanes qui exporte le blé ou les denrées alimentaires à la Mecque. Et la famine commença à sévir à la Mecque. Et il a fait blocus économique, si vous voulez. Et puis, Quraysh, ça y est, n'a pas supporté. Ils ont envoyé une délégation au prophète. Il dit, oh Mohammed, on te conjure par le droit d'Allah et le lien de sang. Fait que nos caravanes passent, appelle Abu Basir et appelle Abu Jundul et nous acceptons qu'il soit avec toi à Médine. Et le prophète, après il les a appelés, il a dit venez. Et il leur a ouvert la porte de Médine, ils sont rentrés à Médine. Et c'était l'issue heureuse de ces gens-là. Et puis le prophète, il appela Omar. Il dit, regarde maintenant, toi qui disais avant comment on nous humiliait contre l'honneur de notre religion, regarde maintenant ce qui se passe. Et Omar lui a dit, envoyé d'Allah, je sais que ton avis a plus de bénédictions que mon avis. Donc maintenant, on va discuter, si vous voulez, sur ces points de cet accord. Les points de cet accord, point par point. Le fait de se convenir de déposer le fardeau de la guerre, c'était quoi? C'était un signe, si vous voulez, c'était un signe de défaite de Quraysh. Parce que Quraysh, son but, c'était d'anéantir carrément l'islam, d'étouffer l'islam, de l'enterrer, qu'il soit une chose oubliée. Maintenant qu'il recourt à la trêve et à déposer le fardeau de la guerre, ça veut dire que c'est un signe, ça veut dire qu'il montre un signe de faiblesse. C'est pour ça que le prophète a accepté la trêve. C'est elle qui est la gardienne du temple sacré et c'est elle qui représente le pouvoir religieux. Maintenant, il commence à faire du recul. Son pouvoir, il commence à baisser. D'accord? Donc, ce point, concernant ce point-là. Et l'accord qui dit que quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Mohammed pourra le faire et quiconque souhaitera entrer dans le pacte et le lien de Quraysh pourra le faire, c'est aussi un autre recul de Quraysh. Avant, il faisait des tournées diplomatiques, il ralliait les gens, il achetait les alliances comme ils ont fait dans la bataille de l'Ahzab. Et c'était un centre. Quand Adel ou Al-Qara ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont tué Khoubaïb, quand ils ont trahi, ils ont dit envoie-nous des hommes, des savants pour qu'ils nous enseignent l'islam, etc. Ils les ont trahis, ils les ont donnés aux combattants de Hudayl. Et que Hudayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à qui? À Quraysh. C'était Quraysh qui a acheté les prisonniers, qui a acheté Khoubaïb pour le tuer. Donc c'était le centre. Toutes les tribus, ils s'alliaient avec elles. Toutes les tribus. Donc c'est constitué un vrai danger. Maintenant, ils commencent à prendre juste Bani Bakr comme allié. Il a laissé tomber Khouza'a. Il commence maintenant à faire du recul. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas ce pouvoir de rallier l'Ahzab comme il a fait dans la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés. Il n'est pas capable maintenant de faire le poids. L'analyse, il faut. C'est ça, je vous dis. Il faut. La vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut une analyse pour ça. Il faut qu'on en déduit les leçons qui nous concernent. Donc, ça concernant les alliés. Et concernant aussi l'accord dans lequel où chaque musulman qui veut rejoindre le prophète sallam, le prophète sallam est obligé de le renvoyer à Quraysh. Le prophète sallam, selon un hadith rapporté par Muslim, il a dit quoi? Il a dit celui qui nous quitte, qui quitte la lumière vers les ténèbres, qu'Allah l'éloigne davantage. Nous n'avons pas besoin de lui. Au contraire, nous nous débarrasserons de lui. Il va constituer un danger à midi. Il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Celui qui le quitte, il veut rejoindre les Quraysh, qu'il aille le faire. Parce que c'est comme si de la carie dans la dent, si vous voulez. Donc ça, c'est un point, un avantage. Donc ça, c'est un point qui est à l'avantage du prophète, alors que les compagnons voient que... Concernant maintenant la personne, là j'ai parlé du guide, j'ai parlé de la personne qui est avec les musulmans, qui rejoint les Quraysh. Et concernant la personne qui était à Quraysh, à la Mecque, et qui se convertit, et que le prophète est obligé de le renvoyer concernant ce point-là, c'est que la terre d'Allah est vaste. Celui qui se convertit, qu'il aille vers la terre d'Allah, comme a fait Abu Basir. Et le prophète et ses compagnons, n'étaient-ils pas séquestrés à la Mecque, et Allah ne leur a pas trouvé une issue? Donc le prophète, il savait que ce qui va se passer. Et une autre chose, c'est que la présence des musulmans à la Mecque, c'est qu'il va gêner. Il va gêner le Quraysh. Il doit avoir beaucoup de gardiens pour emprisonner les nouveaux convertis, etc. Il y a autre chose aussi concernant les femmes. Les femmes, quand Umm Kalsoum, radiallahu anha, la fille de Uqba ibn Abi Mu'ayt, elle a émigré. Et sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé. il a réclamé Oum Kalthoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez, dans l'accord qu'on a fait, il n'est pas mentionné les femmes. Les femmes ne sont pas mentionnées dans l'accord. Donc les femmes, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en parler en détail, inshallah. Donc, il y a ça aussi, et puis le fait aussi d'interdire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait demi-tour. Ça a touché beaucoup de gens et ça a touché, ça a entaché le poids que fait Quraysh. Les autres tribus disaient comment ça se fait que ces gens-là, ils barraient le chemin à des pèlerins. Donc les Quraysh, ils ont perdu la réputation. Et Al-Hulays, qui fait partie de l'Ahabis, en est un grand exemple. On a parlé la semaine dernière. Quand ils ont poussé leurs offrandes, ils ont poussé les chameaux qui sont destinés à être sacrifiés, ils ont dit que le Hulays les a vus, il a dit, il n'appartient pas au Quraysh de barrer le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en tenue de pèlerinage, etc. Après le Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Hudaybiyah, il y a eu lieu ce qu'on appelle Ghazwat Dhiqarad. Ghazwat Dhiqarad, on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce que bon, on ne va pas en parler parce que le style du Coran, il ne le permet pas, puisqu'il y avait Fath Khaybar, l'occupation de Khaybar, et l'occupation de Fath Khaybar, il est évoqué dans Sourat al-Fath. Donc, le prophète, après Ghazwat Dhiqarad, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il organisa une expédition vers Khaybar, vers les juifs de Khaybar. Pourquoi Khaybar? Qui sont ceux qui ont rallié les Ahzab, les coalisés et tout pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était qui ont fait ça? C'était les juifs de Bani Nadir. Quand ils ont été expulsés, une partie d'eux a immigré vers Shem et une partie d'eux il a immigré vers Khaybar. Et c'est ceux qui sont allés à Khaybar sont devenus les rois de Khaybar. Et c'est eux qui ont engagé, c'est eux qui ont poussé Quraysh à combattre. Et ce sont eux qui ont convoqué ou appelé, acheté des alliances des autres tribus. Donc c'était surtout Kinana ibn Abil Huqayq, ou Salam ibn Mishkam, ou Rubayyah. C'était eux qui avaient des influences. Donc le prophète, quand il a mis à l'écart Quraysh, il est allé directement combattre Khaybar, puisqu'il constitue un grand danger. Il constitue l'un des grands dangers qui est resté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de se diriger vers Khaybar, il a donné la bonne nouvelle. Il a dit, on va ouvrir Khaybar. Allah me l'a promis. Dans le Coran, il me l'a promis. Et il est parti tranquillement. Allah wa'adani, promesse tenue qu'il va ouvrir coûte que coûte une bataille dont l'issue est connue déjà d'avance. Elle est connue, l'issue de cette bataille, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il a dit? Pour récompenser ceux qui ont participé avec lui dans le pacte de l'Hudaybiyah, il a dit, il ne partira avec moi que ceux qui ont prêté le serment d'allégeance. Personne d'autre. Les 1400 jusqu'à 1500. Personne d'autre. Les hypocrites et les bédouins et tout, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Quand il dit que ça y est, il va ouvrir Khaybar, et Khaybar est très riche, et ils ont voulu prendre une part du butin. Donc ils ont voulu participer à cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Non, personne ne partira avec moi, sauf ceux qui ont participé à Al-Hudaybiyah. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, pourquoi tu nous interdis? Nous voulons, c'est nos familles, nos biens, c'est eux qui nous ont bloqués pour ne pas participer avec toi à Al-Hudaybiyah. Et nous voulons mourir shuhada fi sabilillah, il ne faut pas nous interdire cette récompense. Ils ont insisté, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, il a dit, bon, que celui qui veut aller avec moi vers Khaybar, ben qu'il y va. Mais il n'a aucune part dans le butin. Il n'a aucune part dans le butin. Vous voulez combattre, fils de Billah, vous voulez mourir sur Hadar, vous êtes sincère. Vous n'avez aucune part dans le butin, sauf ceux qui ont fait le pacte d'allégeance avec moi. Personne n'a accepté. Quand ils ont su qu'il n'y a pas de butin, tout le monde a reculé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ça. Il a dévoilé ce qu'il y a dans le cœur des hypocrites et des bédouins. Il dit سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا إن بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ils te diront, les retardataires d'entre les bédouins, nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il veut vous faire de mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Sharalatna amwaluna. Il commence à donner des excuses. Ah, on était retenus par nos biens, on était retenus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il dit بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Cette idée resplendissait dans votre cœur et vous en tiriez conjecture mauvaise et vous fûtes des gens perdus. Au début, quand le prophète sallam a dit « Je vais faire l'Umrah » et qu'il a porté la tenue de l'Ihram, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Il va être massacré, les Quraysh ne vont pas le laisser rentrer à la Mecque, ils vont le tuer, etc. Nous, on ne va pas aller avec lui. » Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé « Belzalansum allan yanqalib al-rasoul » Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Ils ont dit que jamais ses compagnons, les 1400 hommes, jamais ils pourraient revenir, ils vont être massacrés. La suite... سيقول المخلفون ولا الله سبحانه وتعالى ديفوال كليرمون سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم les retardataires diront quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. ذرونا نتبعكم laissez-nous mourir martyr fi sabilillah. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis, jamais vous ne suivrez ainsi. Allah l'a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Quand le prophète sallam il a dit, d'accord, vous pouvez venir avec moi, mais vous n'avez aucun droit au butin. Ils ont dit, bel tahsudunana. Ils vont dire, mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallu wa sallim ala Muhammad. Bon, la suite du verset. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Les retardataires diront, quand vous vous dirigiez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis, jamais vous ne suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard, mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Et puis les suites des versets. Jusqu'à ce qu'Allah dit, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand sous l'arbre ils t'ont prêté ces serment d'allégeance, et il savait ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Fath Qarib, victoire proche, ça veut dire la prise de la Mecque. وعدكم الله ويقول الله سبحانه وتعالى فأنزل سبهم ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ainsi qu'un abondant butin qu'ils amassent Allah est puissant et sage ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Ça veut dire quoi? Un abondant butin que vous prendrez. Cet abondant butin, c'est Hunayn. Hunayn. C'est après la prise de la Mecque. فعجل لكم هذه. Et il a hâté pour vous celle-ci. Les savants, ils expliquent. Les exégètes, ils expliquent celle-ci par Khaybar. Hadihi, ça veut dire Khaybar. Wa kaffa aydiya an-nas 'ankum wa litakuna ayatan lil-mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Et a repoussé de vous les mains des gens afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'ils vous guident dans un droit chemin. Et il a repoussé de vous les mains des gens, les mains de qui? De Quraysh, les mains de Quraysh, quand les 80 hommes ils sont venus pour prendre quelqu'un des compagnons du professeur Salam en captivité, que les gardiens du professeur Salam les ont encerclés, le professeur Salam les a libérés. Et même, il y a un hadith aussi qui explique ce verset-là, qu'il y avait 30 jeunes. Même ça, c'est quand le pacte il a failli terminer, les 30 jeunes sont venus. Avec leurs armes, attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoqua Allah, et qu'Allah a pris, il a rendu ces gens-là, ces jeunes-là aveugles. Hadith, il est authentique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a repoussé de vous les mains des gens. Wa kaffa aydiya an-nas 'ankum. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha. Il en est une autre. Qui échappe à votre prise, mais qu'Allah a embrassé en sa puissance. Qui échappe à votre prise, ça veut dire à Ta'if. À Ta'if, ils l'ont assiégé, mais ils n'ont pas pris le butin. Le prophète sallam leur a dit de retourner. On va en parler, inshallah, durant la sira. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, car Allah est omniscient. Wa law qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront certes, puis ils ne trouveront ni alliés, ni secoureurs. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Si ceux qui ont mécru vous combattent, ça veut dire qui? Ça veut dire les Quraysh. Quraysh. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Toujours il y a ce combat entre les alliés d'Allah et les alliés de Satan. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. C'est lui qui, au bas de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, et de même, il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَتَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Et Allah, il est connaisseur de ce que vous œuvrez. بِبَطْنِ مَكَّةَ. Au bas de la Mecque, c'est Hudaybiyah. C'est le Hudaybiyah. كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. Il a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Subhanallah, il a fait ça pour aboutir à la victoire qui est proche. Ça veut dire, c'était pour une raison bien valable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le combat. L'imam Ahmed, ça c'est l'histoire que j'ai dit tout à l'heure sur les 30 hommes le professeur Sam il invoqua Allah et Allah les a aveuglés, puis le professeur Sam les a libérés. Il est rapporté par l'imam Ahmed, par le Hakim, par Ibn Jalal Tabari et d'autres. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ أحد أن يبلغ محله. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. C'est qui? Quraysh. C'est Quraysh qui ont obstrué le chemin d'Allah, le chemin de la mosquée sacrée, et ils ont empêché les offrandes. وَلَوْلَا رِجَالٌ. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il va nous informer pourquoi il n'y avait pas de combat, pourquoi il n'y avait pas de guerre. La raison. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissez pas, ça veut dire des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas et vous auriez et que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Parce qu'il y avait des hommes croyants et des femmes croyantes à la Mecque. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait éviter qu'il y ait une guerre. Parce qu'ils risquent, les musulmans, quand ils vont pénétrer à la Mecque, ils risquent de piétiner des hommes qui sont musulmans et des femmes musulmanes. لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبهم منكم فتصيبكم منهم معرة. C'est-à-dire que vous auriez piétiné, il y avait des femmes et des hommes que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Et s'il, ça veut dire le pronom il revient aux croyants. Et s'ils s'étaient tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. لو تزيلوا. Si les musulmans se sont écartés des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous châtirons ces mécréants-là. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. S'ils s'étaient écartés ou tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. حمية الجاهلية فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la virulence du paganisme, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ. La virulence à l'image du paganisme. Le fait de ne pas avouer qu'il est le prophète, qu'il est l'envoyé, quand ils ont dit efface. Ou le fait d'effacer, le fait de dire que nous ne croyons pas au Rahman. حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ. La virulence à l'image du paganisme. Nous nous sommes fiers, etc. Et là, Hamiyat al-Jahiliya, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté que le Prophète sallam déjà fasse le pèlerinage, fasse son Umra, le fait de ne pas accepter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de ne pas accepter qu'il marque l'envoyé d'Allah, tout ça, ça fait partie de la virulence à l'image du paganisme. Et donc, quand l'accord il fut accompli, Ça revenons un peu en arrière. Et que le prophète s'est désacralisé, il a sacrifié son offrande, il s'est rasé la tête. Et qu'on... bon, avant ça. Ça veut dire quand le quand Omar il va voir le prophète, il a dit, ne nous as-tu pas promis que... Ne nous as-tu pas promis que, qu'on va faire tawaf autour de la Kaaba, tête rasée, avec l'ihram. T'as la vision que tu as vue. Ru'ya. Et quand le prophète lui a dit, est-ce que je te l'ai promis, est-ce que je t'ai dit que c'est cette année qu'on va le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il en parle, il dit, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos cheveux ou bien écourté vos cheveux sans aucune crainte. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. Allah a été véridique. Et la vision a été, ce qu'a vu le prophète a été véridique. C'est que 2 ans plus tard, il y a eu la prise de la Mecque. Et ils sont rentrés à la Mecque. Et ils ont fait tawaf, tête rasée, avec l'ihram, et non en sécurité. Dans le Hudaybiyah, vous avez peur, vous étiez méfiant, mais à la prise de la Mecque, vous étiez en sécurité, vous avez fait tawaf tranquillement. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager. C'était pas la prise de la Mecque, c'était même plus tard. C'est pas seulement la prise de la Mecque, mais une année plus tard, c'est ce qu'on appelle Umrat al-Qada. La Umra de la compensation, parce que le prophète il est retourné et l'année plus tard il est allé faire le pèlerinage, il est allé faire la Umra conformément à l'accord. Ça veut dire que la vision s'est réalisée déjà dans la Umra de la compensation, une année, c'est-à-dire l'année 8 de l'Hijr, c'est-à-dire une année plus tard ils ont fait tawaf tranquillement. On va en parler inchallah la suite. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعجل من دون ذلك فتحا قريبا. Il savait donc ce que vous ne saviez pas, et d'ici là il a décrété pour vous un fath proche. فتحا قريبا, ça veut dire la prise de la Mecque. Donc il y avait plusieurs promesses. Il y avait Khaybar, il y avait plusieurs bonnes nouvelles. Il y avait déjà le pacte de l'Hudaybiyah, c'est une ouverture à beaucoup de choses. C'est une ouverture vers quoi? C'est une ouverture vers... C'était d'abord l'issue heureuse de Abu Basir, Abu Jandal et les autres. C'était aussi que la porte de la Da'wa fut ouverte. C'était aussi le butin de Khaybar. Et aussi... Allah leur a promis ceux de Hunayn et Umrat al-Qada, ils vont faire le pèlerinage, l'Umrat tranquillement, et il leur a promis le Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour le faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Donc, les versets de Surat al-Fath, ils parlent de l'Hudaybiyah, ils parlent de quoi? De Khaybar, ils parlent de Hunayn, ils parlent également de Taqif, de Taif, wa ukhra lam taqdiru alayha, et une autre qui va vous échapper. Et ils parlent aussi de quoi? Hudaybiyah, la prise de la Mecque, et Umrat al-Qada, ça veut dire la Umra de la compensation. Il a compensé la Umra qu'a voulu faire le Prophète sallam à l'année 7 de l'Hijr. Donc maintenant récapitulons. La bataille de Badr, c'est Surat al-Anfal. La bataille de Uhud, Surat Al-Imran, les versets à partir du verset 120 de Surat Al-Imran. Bani Nadir, c'est Surat Al-Hasr, n'est-ce pas? Bani Qaynuqa, c'est l'un des premiers, le huitième verset.